La troisième. C'est le titre. La troisième, elle revient. C'est toujours la première. Comme dit Gérard de Nerval. Bon, alors, c'est la troisième séance de la troisième, encore et encore. Donc, la première, c'était finalement celle qui marquait le signifiant du collectif que nous sommes ici, nous constituons le sujet du collectif, qui n'est pas différent du sujet de l'individuel pour chacun. Donc, il y a une quelque chose qui se produit là pour nous. Et dans un deuxième temps, la deuxième séance, c'est-à-dire le 2, puisque ça c'était le 1, au 2, il y a quelque chose qui manque. Vous avez pu le constater, il y a quelque chose qui a manqué. Mais ce 2 ne peut prendre son sens que de la troisième. Parce qu'à partir de la troisième, la répétition commence. Elle s'inaugurait avec le 2 et elle commence avec le 3. Et justement, de ce fait, on comprend déjà là que le 2 n'existe pas ou ne prend pas consistance tant qu'il n'y a pas eu le 3. Contrairement à l'adage qui dit il n'y a pas de 2 sans 3. C'est le contraire. C'est que s'il n'y a pas le 3, il n'y a pas le 2. Ça, c'est très important. Parce qu'à partir du moment où la répétition se produit, il y a une chance qu'il y ait une suite logique. Alors, la répétition, finalement, dont parle Freud, la doxa analytique a finalement détourné son sens originaire. C'est-à-dire que c'est devenu une chose qui, en gros, quelque chose se répète, qui témoigne finalement d'une fixation, une espèce d'effet mortifère comme ça, alors que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut envisager la répétition, parce que même si c'est une répétition, disons, de la même chose, elle ne se répète jamais de la même façon. Et que d'une certaine façon, justement, à cause de ça, il y a toujours du nouveau dans la répétition. Ça, c'est tout à fait central à comprendre. Le nouveau ne vient que par la répétition. Par la répétition, c'est ça. Quand un patient, par exemple, se plaint de ce qu'il dit toujours la même chose, on lui répond pas explicitement, mais on sait qu'au fond, effectivement, toujours la même chose, c'est bien de la chose freudienne dont il parle, mais il le répète jamais de la même façon. C'est-à-dire qu'il donne des versions différentes, et c'est ce cheminement en aller et retour qui permet de cerner ce dont il s'agit, de la chose dont résulte l'objet ptita comme effet du signifiant. Alors, je vais déjà dire un petit peu cette chose-là aussi. D'abord, vous remercier de votre présence. Et ensuite, de parler de ceux qui sont ici un peu les agents de l'affaire, pour lesquels d'ailleurs, dans lesquels vous êtes, tout spécialement Christian Dubuis-Santini, Pierrick Bossy. Alors, Pierrick Bossy. Bofi, pardon, excusez-moi. Pierrick Bofi, donc, très important, c'est pas simplement un caméraman. Hein. Il fait ça parce que, aussi, ce qu'on fait ici, ça l'intéresse. Et il fait quand même un travail en même temps qui n'est pas simplement celui de quelqu'un derrière une caméra. De même, à l'époque, quand Christian s'était occupé de cette affaire-là. Et puis on a un monteur qui s'appelle Isidore Ducane qui fait ce travail de montage de ces vidéo que vous avez pu voir. Bon, voilà, ça c'est une petite introduction que je faisais à propos de ça, et puis je passe la parole à Christian qui, lui, va, je crois, faire un petit parcours de ce qu'on a fait déjà jusqu'à présent, c'est ça ? Mmh. Voilà. Ben voilà, puisque on introduit ça par la répétition, donc effectivement, on va revenir un peu sur ce qui a été vu ou entendu, en tout cas, ce qu'on a essayé de saisir un peu de réel dans les deux premières séances. Et notamment, donc, Lacan, immédiatement, crée un effet de sens extrêmement fort avec son « je pense, donc se jouit ». Donc, en fait, c'est l'élément vraiment central hein, de la troisième. Si Descartes a besoin d'une interprétation, c'est pas une espèce de fantaisie pour Lacan, c'est que il prend vraiment au sérieux la formule vraiment fondatrice de la psychanalyse, le « wo es war, soll ich werden » freudien. C'est pour lui la manière de rendre possible la perception de l'enjeu qu'il y a dans la psychanalyse freudienne que de remonter au cogito, dont il fait une lecture absolument particulière, qui n'a rien à voir avec ce qui avait été lu jusqu'à maintenant, bien qu'il s'appuie, donc peut-être on en parlera un peu tout à l'heure, sur effectivement les avancées de l'idéalisme allemand, c'est-à-dire la manière dont Kant et Hegel, notamment, ont dégagé la possibilité du sujet de cette première formulation du cogito. Donc dans le cogito cartésien, tel que le lit Lacan, il en brise l'unité. C'est-à-dire cogito ergo sum, ce n'est pas quelque chose qui est unitaire, c'est au contraire la résultante d'un choix forcé entre le penser et l'être. Donc ce qui, dans ce qu'on a entendu l'autre fois, l'opacité de la conjonction entre l'einein et le noein et l'einein, le noein donc c'est penser, on veut dire, c'est comme ça qu'on traduit le nous grec, et l'einein, l'être. Donc pour Lacan, il y a un choix. Donc, soit je pense, soit je suis. Si je suis, c'est au prix d'une perte de pensée, c'est-à-dire je suis, donc ça pense pour moi. Si je pense, c'est au contraire au prix d'une perte d'être, en fait. Alors cette perte d'être, hein, c'est justement la manière dont Kant va lire la première partie du cogito. C'est-à-dire il dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que dit Descartes, c'est que je pense tout seul comme ça, on ne l'entend jamais. Je pense qu'il va faire beau, que nous allons gagner, que vous avez raison. Il y a toujours quelque chose avec ce je pense. Or là, c'est un je pense privé de prédicat. Et de ce « je pense-là », en fait, va... Le « donc » qui est la séparation entre le « je pense » et « je suis », l'articulation, le fait qu'il n'y ait pas de conjonction entre les deux, ça veut dire que l'être n'est plus accessible sur ce plan-là. Donc, l'être... Ce donc, c'est ce qu'on pointait comme étant une copule, oui, qui faisait illusion de conjonction entre les deux. Exactement. Hein, exactement. Ça, alors que c'est justement un clivage qui dit là où je pense, je ne suis pas, et là où je suis, je ne pense pas. Donc on a là deux versants. Alors je vais essayer de vous parler un peu de ces deux versants avec une exemplification cinématographique. Donc le premier exemple, donc, je suis, donc ça pense, c'est tiré de la psychopathologie de la vie quotidienne de Freud. L'exemple de cette femme qui, en séance, raconte qu'en se coupant les ongles, elle s'est arraché un petit bout de peau sur l'annulaire. Donc, l'annulaire, bien sûr, où elle porte son alliance. Alors, c'est un événement tellement anecdotique que Freud lui-même se dit qu'il doit y avoir quelque chose derrière pour qu'elle le raconte là. Donc il la pousse à continuer. Et effectivement, ça tombe le jour de son anniversaire de mariage. Et elle fait un rêve où elle rêve donc de l'indigence de son mari et de sa propre anesthésie sexuelle à elle. Or, de se couper cette petite tache de sang qui va naître là, révèle qu'il est en train de se passer quelque chose qui parle de l'identité, de l'être de cette femme-là, puisque son mari, qu'elle a épousé, est docteur en droit, parce qu'elle se coupe, en fait, à l'annulaire gauche, alors qu'en fait, dans son pays, on porte l'alliance à droite. Et en fait, elle avait à cette époque où elle l'a épousé, le choix entre lui et puis un médecin dont elle était amoureuse. Et en fait, pour elle, c'était le choix entre un mariage à gauche, en fait, comme on dit, c'est-à-dire de la main gauche. Donc, se révèle dans cette petite anecdote tout un réseau signifiant, une chaîne de pensée qui pense au lieu d'une tache sur un doigt. Ça, c'est la version, disons, du « je suis », donc ça pense pour moi. Elle ne peut pas s'identifier à cette tache. Cette tâche-là, c'est, en fait, évidemment, il faudrait se garder de conclure trop vite que c'est ça l'objet petit a. L'objet petit a, ce n'est pas tout à fait la tâche. L'objet petit a, c'est le regard par lequel cette tâche, au lieu d'être une tâche informe, peut devenir quelque chose qui délivre son sens. Et donc c'est le regard, là, l'objet petit a comme regard, qui est capable de décrypter le sens de cette tâche. C'est pour ça que, dans la psychanalyse lacanienne, le psychanalyste occupe la place de l'objet petit a, parce qu'il est celui qui est supposé savoir déchiffrer quelque chose de cet ordre-là, alors qu'elle, elle est incapable de s'identifier à ça, puisqu'il y a un clivage entre le penser et l'être. Alors, ça, on peut dire que c'est la notion de symptôme, là. Hein, c'est le symptôme qui revient du réel, comme ça, et qui, par son interprétation, permet d'articuler un certain savoir insu du sujet, mais qui la concerne directement. Enfin, en l'occurrence, donc, cette femme. De l'autre côté, donc, on a le « je pense, donc, ça existe ». Ça, c'est le versant du fantasme. On vient de voir le symptôme. Le versant du fantasme, c'est vraiment la lecture kantienne du cogito, c'est-à-dire ce « je » pur qui, avant d'avoir le moindre prédicat, c'est-à-dire que c'est un pur point vide d'aperception qui fait que je fantasme de me voir dans une scène originale où, privé de mon propre corps, je peux voir ce qui m'arrive. Alors là, on est obligé de faire une référence pour comprendre ça, sinon c'est un peu abstrait, au film Rear Window, c'est-à-dire Fenêtre sur cour d'Hitchcock, où, en fait, la fenêtre représente vraiment la fenêtre du fantasme. Et celui qui est derrière est comme un regard privé de son propre corps, donc il n'a pas d'être, qui est capable de voir... incapacité physiquement. Et en fait, le monde se révèle à lui à travers cette fenêtre-là. Il est lui-même un regard derrière cette fenêtre-là. Alors, pour l'anecdote, justement... C'est Grace Kelly, qui est l'actrice, qui est follement amoureuse de lui, etc. Il ne la voit pas, c'est-à-dire qu'elle est là, très amoureuse, etc. Sauf au moment où elle va, en essayant de trouver le criminel, passer de l'autre côté de la fenêtre. Et là, à ce moment-là, elle rentre dans le champ de son fantasme. À partir de ce moment-là, il commence à la voir et à la désirer, alors que jusqu'auparavant, il ne la voyait même pas. Parce que, en fait, il est ce pur fantasme d'un regard absent, d'un « je pense » sans aucune détermination, donc qui se voit lui-même privé de corps. C'est une scène qu'on retrouve aussi dans David Lynch, Blue Velvet, où Kyle MacLachlan, il regarde la scène érotique sadomasochiste entre Isabella Rossellini et Dennis Hopper, et en fait, à travers une fente comme ça, où il est lui-même un regard privé de corps qui assiste à quelque chose. C'est le fantasme vraiment, c'est ça aussi l'objet petit a. Le fantasme de la scène originale. Exactement, voilà. Le fantasme de pouvoir voir la scène originelle. Et donc, on retrouve ça aussi dans Vertigo. À un moment, Scotty, il se retrouve dans l'arrière-boutique d'une salle et il voit en pleine lumière comme ça, alors que lui ne peut pas être vu, Madeleine, c'est le fantasme absolu pour lui, puisqu'elle est celui qui va faire basculer, elle est celle, pardon, qui va faire basculer sa vie, à travers cette fente-là. Donc, on a deux versions, celle du fantasme, là, et celle du symptôme qu'on a vu auparavant, qui convoque donc la possibilité de l'objet petit a. Alors, ça, justement, par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, puisqu'on va en reparler, ça permet de comprendre quelle est la position exacte de Lacan par rapport à la dimension philosophique. C'est-à-dire que, en fait, Lacan, grâce à l'observation clinique et la culture philosophique qu'il a, il permet d'élever chaque cas qui se présente à lui à la dimension d'une position philosophique, c'est-à-dire une posture ontologique existentielle dans la vie. Donc ça change vraiment la possibilité clinique, puisque les gens ne sont plus parqués dans des catégories, c'est-à-dire la névrose obsessionnelle, l'hystérie, la psychose, la paranoïa deviennent des positions ontologico-existentielles. Et donc, ça veut dire que c'est effectivement par la parole, par la manière dont le refoulement a eu lieu, parce que vous voyez bien que soit le « je pense », soit le « je suis », il y a un refoulement qui s'opère. Donc, selon comment est abordé ce refoulement, il y a une possibilité clinique qui se dégage. Oui. Voilà. C'est pour ça que Lacan pointe qu'au fond, la névrose, la psychose ou la perversion, ce sont des positions subjectives normales, oui, par rapport à la structure de langage incorporé. Exactement. Et donc on ne raisonne plus en termes de psychopathologie, mais on raisonne en termes d'éthique. Voilà. Et là, tu m'amènes, grâce à ça, tu m'amènes à mon point, je vais finir là-dessus avant, c'est la notion de langage. C'est-à-dire que, justement, la philosophie, la connaissance des concepts philosophiques et de leur enjeu sémantique, en fait, des possibilités du langage, c'est ce qui permet justement de sortir de cette catégorisation, parce que le fondement, c'est que notre intelligence, à chacun de nous, est ensorcelée par le langage. Donc, la cure psychanalytique étant une cure par le langage, seules les possibilités langagières, les lois du langage et la manière dont le langage peut être articulé permet justement de sortir de là. Et donc, il y a un avant Lacan et un après Lacan, donc il va le dire là, ce qu'on va entendre tout à l'heure, quand il dit « vous sortir de la tête l'emploi philosophique de mes termes », c'est-à-dire l'emploi ordurier. C'est-à-dire qu'effectivement, tant qu'on reste dans les catégories de la philosophie pour employer ces termes de langage, on est dans les catégories philosophiques, c'est-à-dire l'emploi ordurier. Dès qu'on rentre dans la possibilité subjective qu'induit cette interprétation de Lacan, alors là, on sort, on utilise ces concepts-là pour des possibilités cliniques et des possibilités subjectives existentielles pour chacun. Donc, c'est pour ça que Lacan était quelqu'un qui avait absolument tout lu de la philosophie et de la pensée, exactement comme Freud en son temps. C'était des gens, vraisemblablement les plus grands lettrés de leur époque. Et donc, il ne faut pas confondre, ce n'est pas un rejet de la philosophie, c'est l'emploi philosophique et ordurier, c'est l'emploi qui ne prend pas en compte le sujet qui les énonce en tant qu'instance de l'énonciation. Parce que là, on rentre dans autre chose, c'est-à-dire dans quel type de discours on est pris et dans quel type de refoulement on est. Voilà. C'est ce que je voulais rappeler des deux premiers épisodes, parce que c'était déjà contenu dedans, mais on n'y accède pas forcément aussi facilement que ça. Donc là, on écoute. Là, maintenant, on peut écouter. On écoute notre... Hein. Ça me fait suer, la fin de ce passage. On a cru me faire plaisir en faisant venir à Rome, je ne sais pas pourquoi. Il y a trop de locaux pour l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'être a de suprême? Si ce n'est par cette copule. Moi, je me suis amusé à y interposer ce qu'on appelle des personnes. Ça s'affoire à être. Moi, j'ai entendu un machin qui m'a amusé comme ça. Mais tu meurs. Mais tu meurs. Permettre de s'embrouiller. Mais il était... En réalité, c'est le même truc. C'est l'histoire du message. Chacun reçoit sous sa forme inversée. Je dis ça depuis très longtemps, ça a fait rigoler. En réalité, c'est à Claude Lévi-Strauss que je le dois. Se pencher vers son excellente amie qui est sa femme, qui est Monique, pour l'appeler par son nom, et lui a dit, à propos de ce que j'exprimais, que c'était ça, hein, que chacun recevait son message sous une forme inversée. Monique, qui me l'a répété, je ne pouvais pas trouver de formule plus heureuse. Pour ce que je voulais dire juste à ce moment-là, enfin, c'est quand même lui qui me l'a refilé. Vous voyez, je prends mon bien où je le trouve. Bon, alors, je passe sur les autres temps, enfin sur l'étayage de l'imparfait. Hein. J'étais. Oh, qu'est-ce que tu étais? Et puis le reste, enfin, passons parce qu'il faut que j'avance. Le subjonctif, c'est marrant. Donc. Qu'il soit, comme par hasard. Bon. Descartes, lui, ne s'y trompe pas. Hein. Dieu, c'est le dire. Il voit très bien que dire, c'est ce qui fait être la vérité. Ce qui en décide, à sa tête. Il suffit de dire comme d'autres. C'est la vérité par l'air d'échapper. Si Dieu nous trompe, tant pis. C'est la vérité par le décret de Dieu. La vérité en or. Bon, passons. Ce que je fais là, comme ça, juste à ce moment-là, quelques remarques à propos des gens, comme ça, qui ont trimballé la critique, là, de l'autre côté du Rhin, pour finir, ben, baiser le cul d'Hitler, ça me fait grincer des dents. Bon. Alors, le symbolique, l'imaginaire et le réel, ça, c'est le numéro un. L'inouï, c'est que ça ait pris du sens. Pris du sens rangé comme ça. Dans les deux cas, c'est à cause de moi. Je vous appelle le vent. Hein. Le vent que... Le vent d'automne. Dans 5 mois, je peux même... Je n'ai même plus le prévoir. Hein. Le vent d'automne gonfle ses voiles à notre époque. Car c'est évident, ça n'en manque pas de sens au départ. C'est en ça que consiste la pensée, que des mots introduisent dans le corps quelques représentations imbéciles. Voilà, vous avez le truc. Vous avez là l'imaginaire. Et qui en plus nous rengorge. Ça ne veut pas dire qu'il nous rengorge, non. Il nous dégueule quoi? Enfin, comme par hasard, une vérité de plus. C'est un comble. Que le sens se loge en lui, nous donne du même coup les deux autres, comme sens. L'idéalisme, donc, tout le monde a répudié comme ça l'imputation, l'idéalisme est là derrière. Les gens ne demandent que ça, hein, que ça les intéresse, vu que là, la pensée, c'est bien ce qu'il y a de plus crétinisant à agiter le grelot du sens. Comment vous sortir de la tête? L'emploi philosophique de mes termes. C'est-à-dire l'emploi ordurier. Quand d'autre part, il faut bien que ça entre, mais ça vaudrait mieux que ça entre ailleurs. Hein. Vous imaginez que la pensée, ça se tient dans la cervelle. Je vous en dissuaderai. Moi, je suis sûr. Je suis sûr comme ça, bon, c'est mon affaire, hein, que ça se tient dans les dossiers du front. Hein. Chez l'être parlant, exactement comme chez le hérisson. Quand j'en vois un, je le mets dans ma poche, dans mon mouchoir. Naturellement, il pisse. Jusqu'à ce que je l'ai ramené sur ma pelouse, à ma maison de campagne. Et là, j'adore voir se produire ce plissement des brossiers du front. À la suite de quoi, tout comme nous, il se met en boule. Si vous pouvez penser avec les pensées du front, vous pouvez aussi penser avec les pieds. Ben c'est là que je voudrais que ça entre. Puisqu'après tout, l'imaginaire, le symbolique et le réel, c'est fait pour que ceux dont cet attroupement qui sont ceux qui me suivent, pour que ça les aide à frayer le chemin. chemin, l'analyse. Bon, là, il y a beaucoup de choses. Oui. Moi, juste d'abord, je prends ça au vol parce que le savoir à être, c'est quand même dire que c'est pas parce qu'il y a le verbe être qu'on a l'être, en quelque sorte. Hein. Et Lacan, il ironise là-dessus parce qu'il va dire qu'au fond, il y a de l'être, qu'il appelle le par-l'être, lui, il y a de l'être que parce qu'il y a de la parlotte. Donc il met une fois de plus à l'origine plutôt la langue qu'une substance de l'être. Hein. C'est quelque chose de cet ordre-là. Bon, ça c'est juste un point qu'on pourra reprendre. Parce que, oui. Peut-être je peux le nourrir par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc sur le fait que dans le choix forcé entre le penser et l'être, donc si je choisis l'être, le je suis, en fait c'est pas l'être que j'obtiens. Mais c'est de donner un être au sujet, c'est-à-dire au sujet du « je pense ». C'est-à-dire, ça c'est une position qui fait croire à une substantialité voilà. du sujet. Mais ce n'est pas du tout l'être que je gagne, puisque l'être, je n'y ai pas accès, justement. Puisque, étant déjà pris dans la parole, le choix forcé a déjà eu lieu. Donc, l'erreur de croire que j'accède à l'être et que... Je ne peux pas accéder à la chose elle-même puisque je l'ai laissée tomber une fois pour toutes en choisissant l'ordre du langage, en étant un être humain inscrit dans le registre symbolique. Donc voilà comment effectivement ça foire à être, puisque c'est le sujet lui-même qui se trouve nanti d'une existence possible, mais pas l'être lui-même qui reste inaccessible pour le sujet. Alors, d'où la traduction de Lacan de Voeswar Solich Verden. Oui. Une des traductions qu'on avait retenues ici, c'était là où c'était, je dois advenir. Mais là où c'était un ayant été, un étant ayant été. Oui. Alors qu'on joue sur la langue, là, sur les jeux de langue, et oui. C'est tout à fait important. Alors, moi, ce que je voulais. Je prends peut-être une petite dérive là, mais ça me paraît très important. Vous avez vu comment, dans ce tout petit passage là, Lacan joue du cristal de la langue, c'est-à-dire il joue des homophonies. Hein, c'est même tout à fait central chez lui cette histoire-là, et il fait effectivement résonner les phonèmes de la langue hein, pour obtenir des effets de sens nouveau par rapport à un savoir qui, de toute façon, est déjà là, hein, en tout cas pour le sujet. Parce que nous l'appelons éventuellement l'inconscient, mais on y reviendra. Donc, en jouant là-dessus, on peut, en travaillant sur le même savoir, en ayant le même savoir, obtenir des effets de sens différents, ce qui veut dire que, dans la cure, on peut permettre à un sujet de repérer finalement, les amarres signifiantes de son être qui vont changer le cours de son histoire. Alors, il y a un point comme ça que je voudrais souligner. Alors, regardez ce qu'il a dit là. Quand, par exemple, je vous donne simplement l'exemple ici, il y en a plein. Cet écrit-là, on l'avait mis la dernière fois. Il va écrire tout être humain comme ça. Hein, vous voyez, quand le sujet parle, tout être humain. Il l'écrit comme ça. Et il va jouer de ça pour écrire à nouveau autre chose, l'être humain. C'est-à-dire que c'est une façon pour lui, au fond, d'évacuer la copule qui est confusionnelle, qui nous confusionnante, je ne sais pas si ça se dit, pour nous. Alors qu'il y a des langues où elle, non pas qu'elle n'existe pas, mais elle n'a pas tout à fait le même usage. Je crois qu'en chinois, on désigne l'homme comme il est sous le ciel, celui qui est sous le ciel. C'est ça qu'on le définit comme ça avec l'écriture. Bon, vous voyez ce type. Alors ça, qu'est-ce que ça indique? Ça indique exactement, finalement, ce qu'on fait dans la cure. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien comment, en jouant de l'équivoque signifiante, c'est ça qui fait interprétation, et ça fait touche de réel, parce qu'en même temps, ça délivre un sens qui est un sens de réel, mais du sujet. Pas, c'est pas une signification. Hein. Une espèce de sens qui vient comme ça et qui modifie les choses. Alors, par exemple, vous saisissez par ces exemples-là que chez Lacan, il ne s'agit pas de simples jeux de mots, même si à l'occasion ça peut faire mot d'esprit, il s'agit bien de tout à fait un autre registre. Ce n'est pas un effet tuyau de poil qui est obtenu, puisqu'il y a beaucoup de gens qui entendent ça de cette façon-là. C'est des effets de sens liés quand même à un sujet qui est en train de parler. Il n'y a que lui qui peut les saisir à travers quelqu'un qui intervient en position extime par rapport à son propre discours. Alors que si vous faites ça dans la cité, ben vous obtenez des faux effets de sens, et même vous faites de ce qu'on appelle de l'analyse sauvage. Que Freud condamnait fortement. Vous savez bien, je le dis simplement comme ça parce qu'il y a des gens qui pratiquent ça et tout à fait des tas d'analystes qui montent dans les tribunes et qui s'amusent à interpréter des actes ou des aventures qui sont arrivées à des hommes publics en les fixant dans un sens qui fait croire que c'est vrai, c'est réel, alors que c'est une falsification. Il y a un usage abusif de la psychanalyse, voilà, hors de son champ. Alors, ben justement, puisque tu reparles de ça, donc s'il y a un inconscient, il y a deux Voesvar Zollifern. Donc, il y a le premier Voesvar, c'est le S lui-même, c'est quelque chose de grammatical. En gros, on va dire que le premier Voesvar est d'ordre grammatical, le deuxième Voesvar est d'ordre logique. Donc c'est la différence entre le Sinn frégéen et la Bedeutung. Puisque, effectivement, si comme dans l'exemple... Il faut traduire Sinn, ça veut dire sens. Voilà. Et Bedeutung, ça veut dire dénoter. Dénotation. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas le même manque dont il s'agit dans le Voesvar. Le Voesvar, c'est ce S-là, c'est... Et Lacan dit que c'est de l'imparfait, c'est pas du passé composé. Donc, ça, c'était là, et ça a chopé au dernier moment. Donc, je dois devenir, derrière, ça a failli être, mais ça n'est pas. C'est là où il y a une première approche de cette disjonction entre le penser et l'être. Et le deuxième est le point de vue purement logique, la Bedeutung, c'est-à-dire que ce qui manque à ce moment-là, c'est non plus un sens, au sens d'une orientation, c'est-à-dire qu'on rentre dans une possibilité de sens, c'est l'objet lui-même qui signifierait le rapport sexuel. Donc là, il manque définitivement un objet à l'autre, et c'est là où je reviens sur l'interprétation de Kant, qui fait Descartes, c'est quand il dit... je pense, ça ne suffit pas pour créer son jeu de la perception pure, c'est-à-dire ça, un je pense avant tout prédicat et toute autre détermination. Ce sur quoi il ne se penche pas, c'est le je suis, qu'il faudrait aussi compléter, je suis comme objet pour l'autre. Parce que c'est ça que ça veut dire, je suis. Et c'est là où c'est perdu. C'est-à-dire que je ne peux pas me trouver en tant qu'objet dans le monde. Et c'est le fait d'être clivé. Donc il manque cet objet-là de la Bedeutung, donc qui fait que étant clivé, je peux avoir ouvrir à l'autre vraiment ma possibilité d'échange, parce que ma vérité c'est l'autre qui l'a, c'est l'autre qui a les clés de ma vérité. Donc c'est parce que c'est sur ma propre impossibilité de me correspondre à moi-même en tant qu'objet que je peux trouver chez l'autre en fait la possibilité d'éclairer qui je suis. Que je suis, je ne pourrais pas y accéder. Donc Lacan fait une lecture absolument révolutionnaire à la fois du cogito cartésien et du Voesvar freudien, puisqu'il amène jusqu'aux dernières conséquences qui sont cette phrase magnifique, hein, qu'on ne peut comprendre que comme ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire recevoir de l'autre son propre message sous la forme inversée. Si ce n'est que, effectivement, dès que je parle à l'autre, donc les exemples qu'il donne, bon, les très connus sont « tu es mon maître, tu es ma femme », et ce que ça veut dire, c'est que le sujet lui-même est signifié par l'inverse de ce qu'il dit, c'est-à-dire que ça le met en position très délicate d'être disciple, donc avec les exigences que ça demande d'être disciple du maître qu'on s'est choisi, et tu es ma femme aussi d'être l'époux. Et c'est pour ça que Lacan a dit « En êtes-vous si sûr ?» Alors peut-être on peut faire un peu d'humour là-dessus, puisqu'on a été confronté régulièrement à ce genre de choses, c'est-à-dire que sans pas se rendre compte que ce qu'on reçoit de l'autre, c'est son message, sa forme inversée, avec cette exemplification qui m'a fait un peu rire. Donc c'est l'histoire du trappeur qui coupe du bois pour l'hiver, et donc il commence à couper du bois et entasser au Canada. Oui. Et donc évidemment, il rencontre un Indien, et puis il se demande s'il a coupé assez de bois, et donc il lui dit « Est-ce que l'hiver va être froid ?» Et l'Indien lui dit « Oui, hiver froid. » Alors il va, et puis coupe encore plus de bois. Puis rencontre un autre Indien, il lui dit « L'hiver va être froid. » Et l'Indien lui dit « Très froid. » Alors il va couper encore plus de bois, comme ça, et puis il y a une montagne de bois, il voit le troisième Indien, il lui dit « L'hiver va être froid. » Il dit « Oh là là, très très très froid. » Il dit « Mais comment vous savez qu'il va être froid comme ça ?» Parce que quand homme blanc coupait beaucoup de bois, hiver très très très froid. Et donc ça, c'est vraiment recevoir de l'autre son propre message sous sa forme inversée. Parce qu'il ne sait pas qu'il sait. Et donc, en fait, nous sommes toujours dans une impasse de communication tant que nous ne rentrons pas dans le fait que ce qu'on appelle l'intersubjectivité, qui est un terme rejeté par Lacan, ne repose que sur l'impossibilité de me correspondre à moi-même, puisque le sujet barré, losange petit a, montre que le sujet et l'objet ne peuvent jamais coexister. Donc ils sont toujours le recto et le verso l'un de l'autre. Et effectivement, c'est du réel, ça. C'est ça dont il parle dans le réel de la psychanalyse. Et peut-être, par rapport à ce que tu as dit, on peut venir sur l'idée du sens et du non-sens. Donc, puisque à nourrir le symptôme de sens, on lui donne continuité de subsistance. Effectivement, dès qu'on découpe dans la parole de l'analysant de manière différente, donc en jouant sur l'équivoque, on crée un effet de non-sens qui vient tarir pour un moment. On joue sur le non-sens. On joue sur le non-sens pour faire valoir un autre sens. Et c'est la différence entre le zin et la bedeutung. Donc entre le sens et la dénotation. Voilà. Parce que c'est exploré. Chez Lacan, il le prend comme ça aussi. Puis dans son texte sur l'étourdi, il distingue le sens et la signification. Signification de l'objet qui est là, qu'on attrape, alors que le sens, c'est plutôt tourné du côté de l'orientation du réel. Oui. Mais c'est vrai que dans son séminaire, de temps en temps, les termes se recouvrent et on a du mal à repérer les choses. On utilise souvent le terme de sens comme signification, c'est-à-dire je comprends le sens de ce que vous dites. Mmh. Hein, alors Lacan, il le dit bien, il dit il ne faut pas comprendre trop vite, justement. Hein. C'est une méthode, justement, pour déployer les choses. Alors évidemment, dans la cure, on en a ici quelqu'un vous raconte un rêve. Et puis il y a une femme âgée qui vient voir le sujet rencontre, qui vient le voir et qui est gentille avec lui, qui lui amène des gâteries. Si d'emblée vous lui dites que c'est sa grand-mère, ben vous lui avez saboté son truc, parce que lui, il n'était pas en train de dire ça. C'est-à-dire que vous allez ajouter des termes qui ne font pas partie du pool de ses signifiants, et donc vous allez le plonger dans une signification. C'est comme ça que les gens déchiffrent, par exemple, des dessins d'enfants. Hein? Les enfants, ils font des trucs, des tours, des machins comme ça, et on se précipite pour dire c'est le phallus ou des trucs comme ça. Lui, non, il a dessiné le clocher de l'église. Hein? Il a dessiné une église. On ne peut pas lui faire faire l'économie de ce qu'il est représenté éventuellement une église, d'autant plus que si on lui demande qu'est-ce que tu as fait, il va dire ce qu'il a écrit. Parce que c'est une écriture, ce n'est pas des dessins d'enfants. Ben voilà, j'essaye d'illustrer un peu ça. Et pour revenir un tout petit peu en arrière à propos de ces deux termes, puisque j'avais pointé quelque chose de l'ordre de l'interprétation ici, vous voyez que, bon, du point de vue phonématique, il n'y a pas beaucoup de différence, sinon qu'il y a quand même une certaine modulation, quand même, qui existe de la voix, qui permet de saisir un petit peu la différence des deux choses. Mais vous voyez que dès que c'est écrit, voyez apparaître quelque chose qui est une sorte de dysorthographie calculée. Chez Lacan, il y a une dysorthographie calculée. C'est-à-dire que la plupart des néologismes de Lacan, c'est jamais n'importe quoi. Ça désigne des trucs très précis. Alors il en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est pas de l'enfilage comme ça, systématique. Hein. Et finalement, dans la cure, qu'est-ce qui se passe? Au fond, on lit ce que l'analysant dit. C'est une lecture. Et c'est à travers la façon dont on intervient à ce niveau-là que lui, il va apprendre à lire autrement. Je reprends mon autrement du départ. Hein. Bon, tout ça pour élargir le... Et enfin, on fait un parallèle par rapport à tout à l'heure sur l'exemple tiré de psychopathologie de la vie quotidienne avec cette femme qui se coupe à l'annulaire. C'est-à-dire la tâche elle-même, donc, qui n'est pas l'objet petit a, mais qui présuppose en tant que tâche que quelqu'un ne la voit pas comme une tâche, mais comme une forme signifiante. Donc la place, c'est le regard, là, l'objet petit a en tant que regard. De la même manière, dans ce que tu dis, donc cette fois, dans la manière d'entendre l'analysant, la position de l'analyste en tant qu'objet petit a le présuppose capable de lire, justement, la voix comme objet petit a. Donc on a le regard et la voix, on a deux occurrences, puisqu'il y a quand même l'objet petit a parcourt toute la troisième. On a déjà deux occurrences là d'approcher ce que peut être l'objet petit a de manière très concrète. C'est-à-dire, c'est l'analyste qui va entendre, lui, de la place dont il est, le sens de ce qui est en train d'être dit, et par l'interprétation qu'il va en faire, va créer un effet de non-sens, mais par le transfert, justement, et le fait qu'il est dans une place de supposé savoir, va permettre à l'analysant d'entrevoir qu'il y a autre chose, de l'entendre autrement. Et cet autrement permet de sortir de l'automatisme auquel il est condamné en répétant toujours la même chose et en ne sortant pas de cet automatisme. Donc c'est la place qui permet une lecture. Je pense que c'est vrai que c'est plus clair avec l'objet petit a comme regard, parce que l'objet petit a comme regard, on pense aux ambassadeurs d'Holbein, où cette espèce de tâche qu'il y a dans le tableau, en fait, si on y dépose un cylindre réfléchissant, on va y voir une tête de mort ou une vanité. Donc il y a une place particulière d'où une tâche aveugle, une tâche informe, revêt un sens particulier. Et ça, c'est le fait que nous soyons des sujets clivés, fait que c'est un autre sujet qui a la possibilité, mais c'est un sujet qui ne se revendique pas comme sujet, mais comme objet petit a, qui permet au sujet d'advenir. Et ça, c'est vraiment la formule du discours de l'analyste, qui est le discours dans lequel se tient autant que possible Lacan, le plus possible, hein, il sort très peu. C'est important, parce que là, il faut un petit peu préciser pour l'objet petit a, parce qu'il n'est pas venu tout de suite. Hein. Au départ, il est parti du sein, de la nourriture, de la mer, et tout ça. Hein, bon. Au fond, au départ, l'objet petit a, il est repéré comme contingence corporelle, hein, d'abord. Donc, d'une certaine façon, et d'ailleurs les analystes qui sont restés là, ils le prennent carrément comme substantivé, voilà, hein, c'est ça, l'objet petit a. Mais au fur et à mesure de son avancée, Lacan, au contraire, il le dit d'ailleurs dans la troisième au début, il le désubstantive. Hein. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, la voix... Comme objet petit a, c'est pas ce qu'on entend. La voix, elle est aphonique. Et elle apparaît quand on parle, justement, en particulier dans les modulations, dans les silences, dans les coupures. Le regard, c'est pas la vision. Ça, il a fait la schizophrénie entre les deux très précisément. Hein. Donc, c'est pas la vision, c'est le regard. Et il n'est pas certain, par exemple, que les animaux puissent percevoir qu'il y a du regard. Ils voient, mais ce n'est pas certain qu'il y ait pour eux une dimension de regard. Ou il est possible qu'il y a des choses qui les regardent, et comme par hasard, ils ne se trompent pas. Ils voient son gibier et ils ne se trompent pas. Il va à un endroit, il ne se trompe pas, mais il n'a pas cette possibilité-là. L'objet anal, c'est pas non plus le caca, quoi. C'est ce qu'on appelle la merde, c'est ça veut dire c'est, ça fout la merde, quoi. On le dit comme ça d'une certaine façon, n'est pas substantivé. Hein. Et enfin, qu'est-ce que j'ai oublié, aidant bien entendu dans l'objet comme objet oral, ben, c'est pas le sein, c'est pas le nichon. Hein. Je veux dire comme ça pour être un peu brutal. C'est autre chose. Et en plus de ça, le sein, pour l'enfant, le nourrisson, il est de son appartenance corporelle, au début. Le sein, ça lui appartient, et il pompe la mère, quoi. Il pompe le lait de la mère. Après, il va falloir que ça se sépare, mais ça se séparera aussi bien pour lui que pour la mère. Hein. Mmh. Voilà. Ça montre bien que la division, en fait, elle est originelle et constitutive. C'est-à-dire le divorce, le fait que ce soit une résultante de choix forcé, c'est que l'être, en fait, sous sa forme d'objet impossible à rejoindre, préexiste. Donc le regard précède la vision. Il y a déjà la tâche aveugle avant qu'il y ait une possibilité de vision. Donc chaque fois, l'objet petit a, il montre qu'il y a une préexistence d'une schise et que nous sommes déjà des sujets clivés qui avons engagés dans un choix forcé et qui avons choisi. On a choisi, en fait, le langage. Parce que même, il ne faut pas croire que justement, les psychotiques n'aient pas choisi le langage. Ils sont en plein dedans, le langage. C'est pas parce qu'ils ont du mal à le parler d'une manière qui est différente de celle des névrosés, mais le langage est quelque chose qui nous a déjà clivés. Donc il n'y a pas d'individus, justement. Nous ne sommes pas des individus, nous sommes des sujets. C'est qu'en tant que sujet qu'une clinique peut avoir lieu. S'il y a une confusion entre sujet et individu, ça c'est le plus grave, puisque le sujet, c'est le contraire de l'individu. L'individu, ça veut bien dire qu'il n'y a pas de division, alors que le sujet, c'est le sujet qui est divisé. Divisé parce que la tâche, justement, on l'a vu, soit je choisis Donc si on est dans le cadre du symptôme, donc elle choisit le je suis, et donc le sa pense est délégué à l'inconscient. Donc c'est la tâche. Le lieu de sa pensée, elle est la tache de sang sur son annulaire. Donc de la même manière, on peut interpréter comme ça, par exemple, les oiseaux d'Hitchcock. C'est-à-dire que les oiseaux, en tant qu'éléments extérieurs qui viennent envahir cette ville, etc., ne sont que la manifestation déjà de la crise oedipienne que vit ce fils avec sa mère, là, dans cette île-là, et la première tâche qui se trouve sur le doigt de Hepburn qui arrive sur le bateau, c'est comme si tous les oiseaux sortaient de cette tâche-là. C'est-à-dire, ça pense toute la problématique oedipienne insoluble dans laquelle est prise son fils. Et donc, ça devient une manifestation extérieure, extraordinaire, de quelque chose qui est déjà là et qui se rend visible comme si tout sortait de cette tâche-là. De même manière, il faut entendre que cette tâche-là, elle n'est pas juste une tâche, hein, puisque justement, la femme la mène en séance de psychanalyse. C'est la preuve que ça pense pour elle à ce lieu-là. Parce qu'elle est dans le « je suis » à ce moment-là. Dans l'autre versant, celui du fantasme, du regard derrière l'œil, curieusement, c'est que Descartes lui-même avait fait cette expérience dans ses écrits sur l'optique, c'est-à-dire qu'il parle d'un regard qui est reflété dans l'œil d'un cheval pour voir une scène, de manière à ce que lui-même ne soit pas engagé dans la scène, mais c'est le regard en tant qu'objet petit a, là, qui est comme un objet indépendant d'un sujet. Donc, on a déjà une partition qui fait que la notion d'être, elle est déjà perdue. Dès qu'on récupère de l'être, on n'est plus dans l'être, justement. On est dans le fait de donner un être au sujet. Voilà. Et donner un être au sujet, c'est très dangereux, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que le sujet, en soi, eh bien, il n'existe pas. Il est juste représenté par un signifiant. Donc tu témoignes là du savoir à être. Voilà, savoir à être. Savoir à être, et que voilà. C'est sans fin. Quoi. Voilà. Moi je voudrais que quand même on on prenne quelques points quand même de ce passage qui est très très riche et qui mérite d'être un peu regardé. Par exemple, quand Lacan parlait à Rome, c'était en Italie, dans l'Académie de musique, absolument magnifique comme endroit d'ailleurs, et pendant qu'il parlait, il y avait plein de, surtout des femmes italiennes, je ne sais pas pourquoi, je les ai vues comme ça moi, qui n'arrêtaient pas de circuler dans tous les sens, avec des chapeaux absolument extraordinaires, et qui manifestement, elles montraient quelque chose, quoi. Hein. C'était vraiment absolument inouï. Alors, on a eu un problème de traduction, justement, quand on a écrit. Comment écrire ? Il y a trop de locaux pour l'Esprit Saint. Il a fait une réflexion comme ça, parce qu'il était absolument sidéré de voir ces gens qui bougeaient. Il n'avait pas l'habitude à son séminaire, quand il se mettait à parler, en général, il y a très peu de gens qui se déplaçaient, sauf au fond, mais très peu. Alors, nous, on l'a traduit par... je crois qu'on l'a... Loco, on a dit, hein. Le fou. Non, on avait mis CAUX, mais on a mis... Les locaux, donc. Ils disent ça aux Italiens, mais on l'a aussi... On l'a pensé que ça pouvait être... Il y a trop de fous ici, quoi. Au sens générique du terme, pas au sens psychiatrique du terme. Donc ça, c'est un petit point qui est intéressant. Et moi, ça m'abuse de dire que maintenant, il y a trop de locaux et trop d'ego pour parler de la psychanalyse dans le monde actuel. Ouais. Dans tous les endroits où on essaye de s'exprimer, y a trop d'ego, même dans les institutions analytiques. C'est très difficile de parler des choses pointues de la psychanalyse. Voilà, un point, deux points. Il y a un autre truc qu'on n'a pas élucidé quand même, qui vaut la peine, c'est que, est-ce que quelqu'un est capable de nous dire qui est allé porter la critique au-delà du Rhin pour finir par aller baiser le cul d'Hitler? Parce que, quand même, là, il y a quelque chose de très lourd. Qui ça peut désigner? Ben moi, j'ai... Toi, tu as pensé... On ne sait pas, je ne sais pas. Non, moi, j'ai pensé au début... On ne sait pas. Hein. Mais parce que je l'avais mal entendu. Est-ce qu'il y a des faits d'histoire qu'on ne connaît pas? Sûrement. Moi, je pensais à la lecture que fait Lacan de Heidegger. Et après avoir vraiment traversé toute l'œuvre de Heidegger et avoir pris chez Heidegger tout ce qui l'intéressait dans la puissance de cette pensée-là, il a pu rejeter Heidegger. Et je pensais que c'était une pique contre Heidegger. Mais en vérité, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Puisque, est-ce que c'est qui ont trimballé la critique de l'autre côté du Rhin, ou est-ce que c'est qui ont trimballé la critique, virgule, de l'autre côté du Rhin? Ça ne voudrait pas dire la même chose. Alors, donc, si c'est qui ont trimballé la critique de l'autre côté du Rhin, il parlerait de français. Et là, je ne vois pas de qui parler. C'est peut-être, je ne sais pas, d'autres psychanalystes ou qui se sont commis, enfin, j'en sais rien, mais... Moi, je trouve que c'est une formule très forte, en tout cas. Ouais. Désigner les nazis comme étant des gens qui sont allés baiser le cul d'Hitler, ça fait mal, quand même. Hein. Vraiment, c'est vrai, non? Pouvoir le dire comme ça, c'est une formule très forte. Hein. Enfin, ça lui est venu. Bon, ce que tu dis... Moi, j'en sais pas plus, franchement. Il faut... Alors, il y a... On prend les points un par un, comme oui, ça, et puis après, on discute, si vous voulez intervenir. Il y a l'histoire de Descartes a compris que le Dieu, c'est le dire. Quoi. Hein. Vous savez, parce que Descartes, il fait le truc, il dit 2 et 2, ça fait 4, et puis, que ce soit vrai, c'est l'histoire de Dieu. Hein. C'est... Parce qu'à l'époque, quand même, il ne fallait pas trop toucher à Dieu. Hein. Il fallait pas dire qu'on pouvait tout mettre en formule et en raison. Et puis, on avait l'Église. D'ailleurs, il avait l'Église après lui. On lui courait après. Il est parti. Alors, Dieu comme le dieur. Mais en plus de ça, un dieur que lui-même s'empare pour dire il suffit dieur pour faire exister la vérité, et puis bon voilà, il n'y a pas, alors ça c'est un point, qu'est-ce que tu en penses toi de ce truc-là, parce que tu as souvent évoqué ailleurs la dimension de la vérité, que Lacan a l'air de quand même, il a l'air de la minorer au sens où il dit la vérité menteuse. Oui, oui. C'est-à-dire que... la vérité menteuse, tout simplement parce qu'on est dans le semblant. Il dit la vérité, on peut que la dire. Hein. Parce que ça c'est très simple en fait. C'est parce que nous, on prend Descartes du point de vue de Lacan, donc. Mais du point de vue, disons, officiel, de l'histoire officielle, le moment cartésien, c'est-à-dire le moment de Descartes, c'est celui qui vient marquer la possibilité d'avoir accès à la vérité indépendamment du sujet que je suis. Alors que jusqu'auparavant, justement, on peut retrouver ça dans l'herméneutique du sujet de Foucault, en fait, n'avait accès à la vérité que les sujets capables de s'élever à la hauteur de la vérité. Or, Lacan, Descartes, lui, le moment cartésien, ce qui vient marquer vraiment le passage à l'ère moderne, c'est-à-dire qu'il y aurait une vérité, entre guillemets, objective. Donc c'est ça le sujet de la science, c'est-à-dire qu'il y a une objectivité de la vérité, etc. Donc c'est en ça qu'il minore la vérité, il minore la vérité de type objectif, puisque pour Lacan, il ne peut y avoir de vérité que vérité menteuse. Mais ça ne veut pas dire qu'il sous-estime la vérité, puisque... Il explique que justement la grande révolution freudienne, ce que Freud amène, c'est que la vérité ne perdra jamais ses droits. Puisque le symptôme de ces patients qui sont malades de leur époque, il est lié au langage. Et le langage, c'est là par où s'exprime la vérité, fut-elle menteuse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre la vérité et le vrai. Vrai est une catégorie de la logique. Le vrai et le faux, voilà. Du côté de la logique. Voilà. Et la vérité, c'est du côté de l'énonciation. De l'énonciation et donc du sujet. Voilà. Et donc c'est là où il y a deux perspectives encore. Il y a celle de, disons, la philosophie officielle. Et puis il y a Lacan, donc, en tant qu'il révolutionne la philosophie elle-même. Parce que ce que je vous ai essayé de vous expliquer tout à l'heure assez difficilement, sans cesser d'échouer à le dire, comme il dit lui-même, c'est que la philosophie reste prise entre le fantasme et le symptôme. Donc elle ne se sort pas de là. Donc l'impasse de la philosophie, Lacan la résout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de philosophie sans passer par Lacan. C'est comme vouloir parler de la philosophie avant Descartes ou après Descartes. Tu peux repréciser ce que tu entends par entre le fantasme et le symptôme pour la philosophie. Ben, c'est-à-dire que comme la philosophie va rester, ne méconnaît pas, que le sujet philosophique n'est pas le sujet lacanien, donc, mais c'est un sujet de la connaissance. Donc voilà, c'est un sujet de la connaissance. C'est un sujet plein qui s'écrit S. Voilà. Le fait que Lacan mette une barre sur le S, en face un sujet barré, fait que la philosophie ne le faisant pas, elle ne veut rien savoir du sujet barré, puisque sinon elle serait passée par le moule lacanien, et à partir de là, ce n'est plus du tout la même philosophie. Et donc elle reste à un stade précédent, puisqu'elle, comme elle ne passe pas par le sujet barré, elle ne passe pas non plus par l'objet petit a. Donc les deux versants, voilà, du symptôme et du fantasme, on l'a vu, le regard pur, c'est-à-dire la scène originelle d'un regard dépourvu de corps qui arrive à voir quelque chose sans avoir de corps. Donc l'objet petit a comme regard numéro 1, c'est-à-dire celui qui choisit le je pense, et celle qui choisit le je suis avec la tâche là, c'est-à-dire le symptôme, la philosophie ne peut être que coincée entre les deux, puisqu'elle n'a pas accès à l'objet petit a. Donc l'objet petit a ne livre pas son accès comme ça intellectuellement, justement. Il faut passer par, faut mettre son propre sujet ou sa propre peau sur la table pour arriver à l'objet petit a. Il ne se donne pas sur un mode de l'apprentissage universitaire. C'est impossible de comprendre ce que ça veut dire l'objet petit a. On va rester coincé dans des logiques de dire des choses et on se retrouve dans l'espèce de fausse communauté psychanalytique où tout le monde... croit que l'autre en sait quelque chose et donc on fait une communauté parce que même si moi je ne sais pas expliquer ce que c'est l'objet petit a, il y a quelqu'un d'autre qui doit le savoir. Et donc tout ça c'est une falsification absolue parce qu'il n'y a pas de communauté à moins de partager quelque chose de l'ordre d'une subjectivité qui est passée justement du côté de la possibilité de faire la différence entre un sujet, disons, le sujet de la connaissance philosophique, le sujet plein, et le sujet vide, le sujet hérité de la perception. Non, mais là, c'est un point crucial, parce que c'est la distinction entre la connaissance et le savoir. Exactement. Alors, attention, oui. Bon, la connaissance, on sait que c'est la connaissance au sens de biblique, hein, quelque part. Hein, oui, bon. Oui. Donc ça, c'est... c'est à la limite, c'est la copule qui est là, hein, qui fonctionne comme ça. C'est ça. Alors que, bon, le savoir, bien sûr que tout le monde utilise ce terme dans des registres différents, mais Lacan, il définit le savoir. Lui, ce qu'il appelle le savoir, il dit que c'est une chaîne de signifiants. Or, qu'est-ce que ça c'est une chaîne de signifiants qui fait que le sujet qui s'en détermine, c'est un sujet représenté par un signifiant pour un autre signifiant qui ne le représente pas. Hein. C'est toute la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle le savoir dans la psychanalyse, et tout spécialement le savoir inconscient, et ce qui est du registre de la connaissance. Donc il y a là quelque chose de très important que Lacan se déplace plutôt du côté de déchiffrer le sujet du savoir inconscient. Ben oui, bien sûr. Le savoir inconscient qui est impossible à rejoindre par le sujet, c'est un savoir qui, comme dit Lacan, notre seul lot de savoir à chacun, mais dont on déchiffre le sujet. Voilà. Alors, le sujet de la psychanalyse et le sens qui se délivre dans la psychanalyse n'est pas le sens du sujet de l'herméneutique. Voilà. Hein, des philosophes dont un bouquin très bien. L'herméneutique du sujet de Foucault, qui est un bouquin extraordinaire du point de vue de, voilà. de la. Sur le sujet de la connaissance, c'est ça. De la façon dont il expose ça, c'est assez, assez génial. C'est brillant, oui. Voilà. Bon. Mais il n'est pas, effectivement. Le sujet lacanien. Est-ce que je peux reprendre un petit peu cette chose-là par rapport à... J'ai un oubli. Bon, alors je vais juste profiter de cet oubli pour dire que ce que tu viens de dire implique bien que le sujet est second par rapport au savoir. Bon, c'est-à-dire le savoir vient en premier. Le sujet ne peut s'extraire que de ce savoir-là. Ça, c'est le... Alors que dans la philosophie, en fait, il y aurait d'abord un sujet qui aurait accès à certaines choses et donc va se déterminer ensuite sa connaissance du monde, etc. En psychanalyse, c'est pas ça. C'est en ça que l'interprétation lacanienne du cogito vient redéfinir les bases mêmes de la philosophie. Si on peut vraiment dire qu'il y a avant et après Lacan, pour la philosophie elle-même. Une philosophie qui n'intègre pas les avancées de Lacan est une philosophie pré-lacanienne, tout simplement. C'est-à-dire qui a déjà plusieurs dizaines d'années de retard, sur le plan de la tradition philosophique elle-même. Alors, à propos du sujet, c'est un point qu'il faut développer. Le sujet défini par Lacan comme étant le sujet de la science, en tant qu'il est forclos par le discours de la science, parce que c'est au moment de Descartes qu'émerge la science moderne, celle qui va se développer dans une logique de discours. Oui, de l'objectif. Il y a une vérité objective. Oui, voilà. Le sujet donc ce sujet forclos, il fait retour dans le réel. C'est pour ça qu'il est touche du réel, d'une certaine façon. C'est un sujet... Alors, c'est pas apparu tout de suite dans l'ensemble. De Lacan, on pourrait penser que c'est un sujet de pure logique lui aussi, hein, c'est-à-dire d'un calcul purement logique, dont une représentation serait par exemple le jeu de dés, quoi. On lance des dés, et puis quand ça retombe, il y a un nouveau chiffrage qui fixe quelque chose là, qui le fixe dans ce chiffrage, et que le sujet, ça serait simplement, qui lance les dés, on ne sait pas. Mais que le sujet il n'existerait que dans le moment où les dés sont en l'air, et on ne va pas savoir quel va être le chiffre, comme on dit, de la destinée mortelle du truc. Alors, il y a eu là quand même quelque chose de difficile, parce que ça finissait par en faire, pour beaucoup de gens, l'idée d'un sujet complètement désincarné, un sujet qui finissait par être même complètement idéalisé, et... probablement, il n'est pas certain que Lacan ait perçu ça tout de suite. Peut-être il le savait, mais qu'il n'a pas perçu que c'était entendu dans ce malentendu-là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est quelque chose qui lui a peut-être échappé. Et il a ramené les choses, d'abord, parce qu'avant, il disait que pratiquement tout est langage, ensuite, qu'il n'y a pas de rapport sexuel, et qu'au fond, il n'y a pas que le langage, puisqu'il y a la jouissance. Et il réintroduit, dans cette dimension du sujet, il réintroduit quand même la notion d'individu. C'est vrai qu'on peut le décrire comme celui qui n'est pas divisé, mais il le définit comme le, il le dit comme ça, que le par-l'être, quand même, c'est mon sujet, j'y vais selon une hypothèse, c'est mon sujet, mais en tant qu'il a un nom, un corps, une histoire, une jouissance spécifique, et donc il l'incarne pour chacun de nous. Hein. Chacun de nous, nous sommes des par-l'être, en tant que nous sommes aussi sujet du signifiant. Donc ça se croise, mais ça ne coïncide pas tout à fait. Quoi. Il y a un petit écart entre les deux. Hein. Il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il peut dire à un moment donné que le sujet du collectif, c'est le sujet de l'individuel. Hein. On reprend tout ça comme ça. Hein. Oui. Il dit que... oui, ça c'est la formule qui est liée au fait justement que... ça, c'est dans les écrits, il rend hommage à Hegel là-dessus, pour retrouver une possibilité de, disons, de corrélation entre l'individu et la société. Donc la société, pour Hegel, c'est la substance. Donc la substance, elle est fissurée elle-même. Et le fait de ne pas pouvoir correspondre avec elle-même, c'est de là que naît le sujet. Donc le sujet va pouvoir trouver un mode de conciliation avec les autres, c'est-à-dire le social, non pas sur un mode harmonique, parce que ce n'est pas possible, puisqu'ils se retrouvent tous les deux sur leur propre impossibilité structurelle de chacun. C'est que le sujet ne peut pas se correspondre avec lui-même parce qu'il est divisé, la substance sociale ne peut pas se correspondre à elle-même. Donc ils se retrouvent sur leur propre incapacité de se correspondre avec eux-mêmes. De ce fait-là, le sujet peut, en tant qu'il ne se correspond pas à lui-même, s'ouvrir aux autres et donc au collectif. C'est-à-dire que c'est toujours la promesse d'une nouvelle communauté qui est basée sur le discours, c'est-à-dire cette fraternité. Les liens sociaux, c'est voilà. Le nez, hein. Voilà. Et c'est la logique, effectivement, des discours de Lacan, que de chacun des discours contient le lien social qui lui est spécifique et l'éthique qui lui est spécifique. Alors qu'actuellement, on le verra plus tard, alors qu'actuellement, le discours capitaliste, il rompt les liens sociaux. Voilà. Et Lacan, il balance que maintenant, hein, chaque individu est un prolétaire. Hein. Tous prolétaires, c'est quand même une phrase un peu étonnante, tous prolétaires parce qu'il n'a nul lien pour faire... nul discours pour faire lien social. Oui, hein. C'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est important, cette espèce de ravalement, justement, de la dimension du sujet du signifiant, en tant qu'il est pris dans des discours différents, qui ne le mettent pas dans la même position dans leur rapport aux autres et par rapport aux objets. Hein. Oui. L'individu, le collectif, n'est rien d'autre que le sujet de l'individu. Voilà. Voilà. C'est ça la formule exacte. Voilà, c'est-à-dire que le collectif, le fait de pouvoir faire... Collection, donc on va dire il y a des degrés, communauté, société, n'est que le sujet, c'est mon sujet, est extériorisé de l'individuel. Donc c'est la division de ma propre individualité qui permet de faire collectif. C'est pour ça que Lacan se lie effectivement avec Marx. Hein. C'est un très grand lecteur de Marx, c'est-à-dire ce qui permet de comprendre les rapports entre... la dimension sociale, les avancées sociales et les enjeux subjectifs dans le destin de chacun. Alors il y a un gros morceau quand même, peut-être que quand même, vous comprenez, à l'époque actuelle où les neurosciences pensent qu'elles triomphent de tout, et tout spécialement de la psychanalyse, oui. Lacan il balance carrément, on pense pas avec la cervelle, quoi. Alors on pense avec les poussiers du front, et puis avec les pieds, parce qu'il reprend ça ailleurs, parce qu'il dit, et il y a des gens qui en parlent vraiment comme ça, et tout le monde en fait l'expérience, on pense quand on marche. C'est-à-dire qu'on a une base dans le réel, et on marche, et on se met à penser. quand on marche à pied. Quand on fait du vélo, on est obligé de faire attention aux voitures. Quand on conduit une voiture, il vaut mieux pas trop penser. Il vaut mieux regarder la route, sinon... Hein. Tandis que quand on marche à pied comme ça, on peut se mettre à penser, les idées se mettent à tourner. Alors, il faut avoir un corps pour penser. Et justement, c'est l'inverse du cerveau dans la cuve des neurosciences. C'est-à-dire qu'on accepte de ne pas se correspondre à soi-même et ce corps de jouissance qui est souffrant, de le mettre en marche parce qu'on n'est pas des cerveaux dans une cuve, alors que les neurosciences fonctionnent comme si on était des cerveaux dans une cuve. C'est-à-dire qu'ils vont trouver des... Non, mais ça, c'est un... Ça, par rapport aux neurosciences, il ne faudra jamais céder là-dessus. Jamais. Le cerveau et le neurone, il n'est pas fait pour penser. Que ça transmette que ce soit un fil conducteur, tout ce qu'on voudra, on a beau allumer des lumières en produisant des perceptions spécifiques pour éclairer le cerveau, où il trouve des zones, tout ce qu'on voudra, c'est pas, la pensée, c'est pas ça, on pense avec la langue, c'est tout. Hein. Il n'y a pas de pensée, comme le dit Lacan, qui ne fonctionne comme la parole, ça fonctionne avec la parole. C'est d'abord parce qu'il y a de la parole, parce que... Pour l'humain, le langage, il est déjà là depuis toujours. On ne peut même pas s'interroger sur l'origine du langage. Alors qu'évidemment, les neuroscientifiques, ils vont vous trouver le centre du langage. Effectivement, s'il y a des lésions du cerveau, il y a des trucs qui ne marchent pas, donc on voit des signes neurologiques, si on veut. Mais on est là, c'est un argument massif et qu'il faut tenir hein, par rapport à ça. Faire entendre aux neuroscientifiques... On ne pense pas avec le cerveau, c'est très difficile. Voilà. Alors, il parle... Bon, le psychisme, il existe. Il est, Lacan, d'ailleurs, il dit d'ailleurs que le psychique et le somatique, c'est lié ensemble. Mais attention à la métaphore psychosomatique. C'est très dangereux parce que, justement, le psycho et le soma, c'est lié, c'est noué. Et Lacan précise bien que la coupure, elle passe... entre le psychique et le logique, c'est-à-dire ce qui est pris dans le discours. Alors, on peut imaginer, effectivement, parce qu'ils imaginent, les neuroscientifiques, on peut imaginer que les animaux pensent éventuellement, on ne sait pas de quelle pensée il s'agit, puisque pour le savoir, il faudrait qu'ils témoignent, ça on n'en sait rien. C'est pour ça que Lacan va interroger éventuellement la jouissance de l'huître, la jouissance de l'arbre, la jouissance de la libellule, il parle du long orgasme de la libellule et autres animaux. Donc ça c'est un point très important et effectivement nos neuroscientifiques, comme ils analysent des flux électriques dans le cerveau, à un moment donné, ils pensaient que les rêves ne se produisaient qu'au moment du sommeil paradoxal, alors que maintenant, c'est aperçu que on ça, rêve tout le temps. Ça, c'est les méfaits du fantasme. Mais le problème, c'est que ils disent que les souris et les rats, puisque c'est l'animal particulier de leur expérience, font des rêves, puisqu'il y a des enregistrements électriques. Justement, moi, je ne sais pas, je n'ai pas eu de souris en analyse, donc je ne sais pas de quoi ils rêvent. Quoi. Ça, bon, j'appuie là-dessus de façon ironique, parce que ça, c'est un argument. Moi, je ne céderai jamais là-dessus. Je ne céderai jamais là-dessus, parce que j'ai quand même... Non, parce que j'ai aussi eu affaire à des vrais scientifiques, hein, d'une façon latérale, parce que c'était des gens... qui ont décrypté le génome du sida, ils ont été amenés par ça, ça a été les premiers qui ont déchiffré le génome du sida, et qui évidemment vous disent que, par exemple, les gènes, ça n'existe pas, c'est un artefact, hein. Toute une série de choses comme ça, et pour eux, le cerveau, ils le disent carrément, le cerveau, il n'est pas fait pour penser. Hein. Voilà, ça c'est les... Comment même... penser qu'on peut comprendre ce qu'il y a dans le cerveau, puisqu'il y a, paraît-il, 35 milliards de neurones. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire penser ? Comment on peut savoir qu'il y a 35 milliards de neurones ? Moi, je veux bien, mais vous vous rendez compte le chiffre absolument ahurissant que ça représente, hein, 35 milliards de neurones. Bon. Ça fait 35 milliards d'euros pour les neurosciences. Donc il faut retenir cette affaire là. Et ça me permet d'introduire un dernier point dont je voulais un petit peu parler, c'est-à-dire de dissiper un autre malentendu, qui se véhicule après tout dans la doxa, mais dans la doxa analytique même. À savoir que Freud, il n'a pas inventé l'inconscient. L'inconscient, depuis toujours, s'est manifesté à travers des formations de l'inconscient que toutes les civilisations connaissent. Les pygmées font des actes manqués, les Indiens d'Amérique font des lapsus, et les Chinois font des maux d'esprit. Enfin bon, je dis ça comme ça en rigolant, mais bon, ça existe depuis toujours. C'est des phénomènes dont les gens s'accommodaient, hein. Ils s'en accommodaient. Par contre, ce que fait Freud, il a inventé la méthode pour déchiffrer ces formations de l'inconscient. Et ces formations de l'inconscient, donc, rêve, voix royale, mot d'esprit, lapsus, acte manqué, toutes ces choses-là, ce sont des voies d'accès à un savoir impossible à rejoindre. Donc il a inventé ça, lui. Et qu'est-ce qu'on déchiffre dans l'inconscient ? Ben, on déchiffre le sujet, parce qu'il n'y a pas de sujet dans l'inconscient, puisque c'est un savoir sans sujet. Le sujet, il n'apparaît que dans l'interprétation, comme un effet de sens. Hein. Alors, ça c'est un premier point. Donc, comment se fait-il que Freud ait pu découvrir, donc 2000 ans après Jésus-Christ, donc 8000 ans, ça fait 10 000 ans, après l'Odyssée et l'Iliade, et probablement combien de plusieurs centaines de milliers d'années avant lui, qu'il a fait, commence à émerger qu'un type comme Freud découvre cette affaire-là et découvre finalement cette méthode de déchiffrage. Tout simplement parce que justement, à son époque, il y avait la montée en puissance de la science moderne, celle qui justement produisait la forclusion du sujet qui était rejeté dans le réel. Et quels étaient ces sujets témoins qui étaient rejetés et qui réapparaissaient dans le réel ? Ben, c'était les hystériques. Autrement dit, le discours médical, justement, les traitait comme des folles ou des simulatrices. Charcot, il était un peu plus malin, un peu plus fin, il faisait de l'hypnose. Mais Freud aperçut que dans l'hypnose, après tout, ça appartient au discours du maître. C'est quand même un discours de suggestion que l'on fait sur un sujet omnibulé par les manipulations hypnotiques de façon à lui faire cracher des choses qui peuvent être tout à fait vraies dans son histoire, mais qu'il n'a pas pu réintégrer. Hein. Dans la dénégation, ce n'est pas parce qu'on reconnaît la dénégation que le refoulement est levé. Hein. Bon, Freud, il renonce au truc. Il rentre à Vienne, il dit non, il est hors de question que je laisse tomber l'hypnose, même s'il a un petit peu pratiqué au départ. Et puis, il écoute les patients que les médecins n'écoutent pas. C'est comme ça qu'il découvre que là, il y a un savoir. Il dit, mais ce qu'elles disent, ça, c'est un savoir. Hein. Et même le terme de talking cure ne vient pas de lui. C'est Anao qui lui donne le truc. Et même elle lui donne un autre truc. Ce sont ses patients qui lui ont donné le coup du divan. Serait mieux pour parler en étant allongé. Freud, il a saisi l'occasion en disant c'est vrai que c'est difficile quand on travaille et qu'on reçoit plusieurs heures par jour des personnes en face à face qui vous guettent, c'était plus confortable d'être derrière le divan. Voilà, on voit la canalisation du chose. Alors, Freud, il définit un inconscient comme il le peut, hein, entre perception et conscience, il y a l'inconscient fait de traces mnésiques liées à une inscription sur le corps. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des inscriptions, des représentations imbéciles sur le corps. Hein. La rate qui se dilate, il y a des gens qui pensent qu'elle se dilate, la rate. Hein. J'ai l'estomac dans les talons, il y a des gens qui pensent que quand ils ont l'estomac dans les... Réellement, ne parlons pas des hypochondriaques qui s'attribuent toutes les maladies du monde. Tout ça, c'est des représentations imbéciles, parce que le corps, c'est pas ça. Donc, Freud, il est là. Donc, Lacan arrive là-dessus, et il le définit, l'inconscient. L'inconscient est structuré comme un langage. Déjà, ça, c'est un pléonasme. Parce que l'inconscient est structure, pourquoi ? Parce qu'il est... Et il existe à partir de la langue. Vous voyez ? Et au fond, Lacan non plus, il ne réinvente pas l'inconscient de Freud. Il lui donne, du fait de la pratique et de ce qu'il a découvert, une approche encore plus précise, ce qui lui permet d'avancer dans ce domaine, en particulier avec la topologie, tout spécialement avec le nœud borroméen, qui lui permet de lui donner une assise très différente, une assise structurale très différente. Alors, je disais ça parce que il y a tout un débat actuel. Donc, on a un seul inconscient, point final. Il n'y a qu'un seul inconscient. Hein, voilà, c'est celui-là. On l'a défini, on l'a approché de façon différente. Il n'y en a qu'un. Mais il y a tout un débat qui existe dans les grandes communautés analytiques que sont tout spécialement les lacaniens post-Lacan, qui débattent de l'existence entre un inconscient réel et un inconscient langage, un inconscient, celui qui est structuré comme un langage. Bon, ça c'est un débat très, très fort et très ancré, et, ben, on verra ça plus tard, on va en discuter, on va voir de quoi il s'agit, parce que avec la troisième, on a les réponses de Lacan sur ce plan-là. Des réponses définitives. Mmh. Vous verrez que c'est le virage, ce moment-là, de encore et de la troisième, le virage où Lacan, finalement, laisse tomber plus ou moins ses fameux mathèmes. Pour lui, l'avenir de la psychanalyse ne sera pas mathématique, et elle ne le sera pas. Pourquoi ? Parce que le signifiant n'est pas seulement quelque chose qui fixe mathématiquement la subjectivité, c'est-à-dire sujet représenté par le signifiant pour un autre signifiant, mais parce que aussi il est cause matérielle de la jouissance. Et on a les deux pôles de la chose qui nous permettront d'éclairer la suite comme ça. Bon, moi je vais en rester là pour ce que j'avais à faire comme remarque aujourd'hui. Bon, ben, juste pour conclure sur ton excellente remarque que, en fait, les neurosciences croient, c'est une croyance qu'on pense avec son cerveau. En fait, l'outil, même, c'est même pas une question d'outil, c'est pas un outil, c'est le fait que penser, c'est une des possibilités de la langue. Et donc, là où Lacan, justement, ramène cette notion fondamentale qui nous permet de dire que l'inconscient est structuré comme un langage, et puis c'est tout, et ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il a de mieux, comme dit Lacan, ça ne veut pas dire qu'il y aurait un autre inconscient, c'est que, de la même manière que les poissons ne connaissent pas l'eau dans laquelle ils vivent, le sujet lui-même ne connaît pas le langage dans lequel il vit et par lequel il est parlé. Parce que c'est ça la dimension proprement lacanienne des discours. C'est pas que un sujet tient un discours, c'est qu'un discours le tient et fait émerger le sujet de ce discours à partir du discours qu'il tient. Et donc, effectivement, il n'y a qu'à partir de la langue, ce qui invalide tout le reste, hein, qu'il est possible d'accéder au sujet de l'inconscient lacanien, au sujet barré, qui est la véritable révolution lacanienne, hein, qui n'a pas fini justement de pulser, parce que tant qu'on n'a pas pris la mesure de ce dont il s'agit, c'est impossible de rentrer vraiment dans ce qu'amène Lacan. Voilà. Freud est moins servi par ses disciples que par les déplacements de discours qu'il a produits. Voilà. Bon, peut-être que ça a duré assez longtemps, c'était un peu dense, mais vous avez peut-être des questions, des remarques. Vous pouvez vous approcher, peut-être qu'on pourra vous entendre là. Oui. Hein? Je voulais revenir un petit peu sur ce que vous disiez à propos des néologismes de Lacan, et oui. qui fait lien en fait avec pas mal d'autres choses qui ont été couvertes. Je me rends compte, en fait, j'ai l'impression de tirer un fil avec mes maigres connaissances, hein, donc j'ose quand même. en disant qu'il ne disait jamais n'importe quoi lors de ses néologismes. Après avoir écouté différents niveaux de langue et de musicalité de Lacan en fonction de la place de laquelle il parlait, que ce soit pour des interventions radiophoniques et donc une adresse différente que celle, par exemple, lors de la troisième à Rome, j'étais en train de me dire que à Rome particulièrement, dans la troisième, j'ai l'impression que l'auditeur est mis en position d'écoute interprétative. Au sens où, justement, de ces néologismes qu'ensuite on essaie de retranscrire, hein, il y aura sûrement des conflits, des confluences et des diffluences d'interprétation ou de retranscription de ces néologismes. Bon. Et si la langue est un instrument, par exemple, de la jouissance, oui. Bon, c'est bien à partir de la sienne, de la langue, qu'il génère ces néologismes. Bon. Oui. Et donc je me faisais la réflexion suivante, et là j'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce que c'est comme si on était autant, enfin, les gens qui écoutaient, j'utilise ce terme de les gens exprès, pour que ce soit suffisamment vague, à vous de vous en ressaisir comme vous voulez, mais les gens qui écoutaient Lacan de son vivant, ce qui n'est pas exactement la même chose que les gens qui peuvent éventuellement essayer de s'en ressaisir sans y avoir été. Bon. Seraient autant d'interprètes qui, de leur consensus à leur désaccord, de leur la langue respective, seraient en fait de l'individu. Alors, c'est marrant parce que je faisais le lien avec ce que tu disais de l'individu par rapport au collectif, où le collectif serait le sujet de l'individu. Bon. Sauf que Lacan serait, à ce moment-là, s'adresserait à plein de sujets barrés qui font retour dans comment est-ce que je vais pouvoir retranscrire quelque chose qui a été donné à l'oral par Lacan. Donc voilà, je trouve qu'il y a énormément d'enjeux dans ce qui peut... il ne s'agit pas de rassembler, mais en tout cas de dire quelque chose de la psychanalyse aujourd'hui. Et aussi des dissensions énormes qu'il peut y avoir en général pour la psychanalyse, la psychothérapie, etc., mais sur Lacan lui-même. Donc voilà, c'était quelques associations que je me suis permis de... Alors, l'histoire des néologismes, écoutez-moi, si vous pouvez vous le procurer, ça va bien vous faire rigoler. L'école lacanienne de psychanalyse a sorti un petit volume qui s'appelle les 908 ou un peu plus néologismes de Lacan. Hein, si vous pouvez vous procurer, c'est un bouquin qui va devenir très rare. Peut-être qu'il en reste encore quelques exemplaires. Hein. Vous allez voir que, en fait, on en a dénombré plus. Vous verrez comment ce sont des articulations qui ne sont pas n'importe quoi. Par exemple, pour parlêtre, hein, avec parlotte, ça a un sens comme ça. C'est aussi, par exemple, le nom du père et le nom du père. C'est des choses comme ça, hein. Ou bien l'insu que c'est de l'une bévue, celle amour. Alors, l'une bévue, c'est sa nouvelle définition de l'inconscient à lui. Il le nomme l'une bévue à un moment donné. Avant, structuré comme un langage, ensuite, l'une bévue. Parce qu'il pense que c'est ça l'inconscient, par exemple. Donc, ça, c'est, je vous donne simplement au niveau des néologismes, parce que je suis convaincu que, bon, là, c'est vrai, Lacan, il y a la langue Lacan, ça c'est vrai. Seulement, alors, c'est un point, moi j'ai beaucoup réfléchi à ça, c'est que la langue de la psychanalyse parle allemand. Hein. C'est la langue de Freud. Et Freud aussi utilisait des termes viennois qui n'existent pas dans la langue allemande. Et moi, j'ai eu la chance de procurer un petit dictionnaire. Et français, d'ailleurs. Hein? Et français aussi. Oui, oui. Français. Oui, oui. Et j'ai un petit vocabulaire, c'est pas un vrai dictionnaire, de la langue viennoise que Freud utilisait. Il est introuvable maintenant. Donc, alors, ce que faisait Lacan, d'abord? Lacan a importé beaucoup de termes allemands qu'il ne traduisait plus. Hein? Il disait Verdangrun, il utilise les termes allemands, il les met, il y en a beaucoup, il y en a plus de 300. Et il n'y touche pas, à la limite, il va falloir que ce soit utilisé par, la, par les communautés comme ça. Et on a vu une difficulté, par exemple, avec les latino-américains au début des années 80, c'est qu'ils étaient très emmerdés avec le terme de jouissance, par exemple. Alors les Anglais aussi, c'est pareil. Alors, est-ce que ça veut dire que dans chaque langue, je parle de langue, l'idiome du pays, je ne parle pas de la langue individuelle de chacun, parce que finalement, on est aussi obligé de s'accommoder à la langue du pays, donc on est obligé d'apprendre l'orthographe, parce que dès qu'il y a une graphie, il y a une ortho, hein, et il y a de la grammaire, il y a de la syntaxe. Si on reste dans la langue personnelle, nos idiomes, ça peut exister dans l'intimité, mais c'est très difficile de l'utiliser en dehors d'un cercle très restreint. Alors, bon, je dis ça comme ça, peut-être que dans chaque pays, il va falloir qu'un jour, peut-être qu'émergeront des sujets qui seront capables de faire parler la psychanalyse dans leur langue à eux. Hein, et ils n'auront plus à faire qu'aux simples traductions qu'on leur donne, qui sont toujours, pour Lacan, des trahisons. Alors, pour l'histoire de ceux qui entendaient Lacan, c'est vrai que, mais il y en a très peu, même de cette époque, qui l'écoutent. C'est fini, ils n'écoutent pas, jamais. En fait, moi, je suis un des rares qui continue à l'écouter et qui ait gardé, avec d'autres, quelques autres quand même, la collection de ce qu'on avait comme enregistrement. Je n'arrive pas à mettre la main sur un certain nombre d'enregistrements antérieurs au mien, c'est-à-dire avant d'un discours qui serait avant l'envers de la psychanalyse. J'ai pu retrouver que l'angoisse, le séminaire de l'angoisse. Quand on entend 62-63, l'angoisse de Lacan, enfin le séminaire, le 63, c'est quand même assez étonnant. Donc c'est un outil, moi, que j'utilise. Je suis très frappé de voir que, en tout cas dans les milieux analytiques, ils n'en parlent pas. Moi, j'inciterais les gens à écouter cette espèce de phonie chez Lacan. Parce que après tout, la psychanalyse, c'est une pratique de la parole. Et tous les dispositifs d'école, puisqu'on va parler d'école, tous les dispositifs d'école des institutions analytiques, ce sont des dispositifs de parole. C'est la cure, d'abord, pour commencer, parole, formation d'analyste, il faut qu'il en passe par la parlotte, ensuite les contrôles, pareil, ensuite éventuellement les colloques, où ils parlent, en principe ils devraient parler, ils ne parlent plus, ils lisent. De rien, mais c'est comme ça, c'est triste, mais c'est comme ça, ils lisent, enfin ils pourraient parler. Alors le fameux dispositif de la passe, le summum de la, c'est l'Himalaya de la psychanalyse quand même, très difficile à... C'est fini ? 5 minutes. 5 minutes, bon. Dispositif de parole, puisque le passant vient parler à deux passeurs de ce qu'il pense lui avoir fait comme parcours, qui pourrait donner une consistance logique à sa décision d'être devenu analyste. Je résume beaucoup. Hein. Et ces deux passeurs, qui ne le connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, lui-même ne les connaissait pas, doivent aller devant ce qu'on appelle un cartel, aller raconter je ne sais trop quoi, parce qu'en général, moi j'ai écouté beaucoup de passeurs à une époque, et vraiment, des fois il y a deux passeurs, on se demande s'ils parlent du même bonhomme. Heureusement qu'il y en a deux, parce que peut-être dans l'écart entre les deux, on peut saisir ce qu'il en est du sujet passant. Et c'est ceux-là qui vont être éventuellement épinglés dans les communautés d'analyse de l'école, donc quelqu'un qui aurait traversé l'épreuve subjective que représente ce passage de l'analysant à l'analyste. Seulement, évidemment, il y a les écrits, quoi. Bon, alors les écrits, tout le monde écrit, c'est fou ce qu'on... Vous avez vu les collections de... Qu'est-ce qu'ils publient, les analystes? Mais alors, ça partout, il y en a des tonnes de livres... Ça poubellique. C'est ce que Lacan appelait la poubellication, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand on écrit, les gens ne lisent jamais. Hein. Vous pouvez faire tous les bouquins que vous voulez, personne ne vous en parle jamais de ce que vous avez écrit. On est un peu jaloux, donc on vous repère, mais ça passe pas. C'est une question importante, alors je ne sais pas ce que ça peut donner ça, mais c'est des questions tout à fait essentielles, ce rapport de l'écrit à la parole. Et puis Lacan, en 78, il vient nous dire au congrès sur la transmission, où tous les intervenants sont venus expliquer comment ils avaient été formés comme analystes, comme tout ça, il dit « la psychanalyse est intransmissible ». Quand ça venait de lui qui avait fait 30 ans des séminaires, ça fait quand même drôlement question, hein. Chacun doit la réinventer. Alors voilà, pour vous, pour vos générations, comment ça se réinvente? Et à travers quelle formation ont reçu les nouvelles générations et dans quel enseignement ils ont été pris? Parce que c'est vrai que, alors j'ai eu la chance, j'en sais rien. En tout cas, moi j'ai eu la chance, avec d'autres, d'avoir connu cette période-là. Mais il faut bien vous dire qu'à l'époque, on ne comprenait strictement rien. Tout simplement, d'abord parce qu'on n'avait pas les textes, alors que maintenant vous les avez. Deuxièmement, parce que chaque nouvelle séance, c'était quelque chose de nouveau, quoi. Hein ? Et ça basculait, ça changeait. Voilà. Moi je vous le dis comme ça. Alors quelle est la subjectivité actuelle des nouvelles, disons, générations ? Je ne sais pas, je ne sais pas bien. Je sais pas bien. Mais si j'ai bien compris ta question pour compléter, Patrick, en fait, Lacan, quand il s'adresse à eux, hein, il ne s'adresse pas à eux en tant qu'analyste, hein, il s'adresse à eux en tant qu'analysant. Non, lui comme analysant. Oui, lui comme analysant. C'était le centre de ma question. Ça. Ah, oui. Oui. Est-ce que finalement les auditeurs ne sont pas mis en position d'analyste ? Non. Non, ils sont mis en position d'objet. Lui, il est position d'analysant. Mais attends, l'analysant qui ne fait pas d'association libre. C'est une association plus élaborée. C'est-à-dire qu'au fond, c'est l'association libre en tant qu'elle est vraiment associée. Ce qui se découvre dans les cures, ce qu'on appelle l'association libre, on s'aperçoit que le sujet qui l'a fait, en fait, c'est parce que c'est d'une logique presque implacable. Hein. Lui, il ne s'en aperçoit pas tout de suite. Mais on voit comment les signifiants circulent et comment ça mène d'un bout à l'autre. Donc c'était ça quand même. Lui disait non, lui, au fond, il disait qu'il s'adressait à un regard plutôt. Mm. Il mettait plutôt le public en position. Lui, comme sujet divisé, donc analysant parlant, oui. En position d'objet, alors un regard, il disait, et puis il disait qu'il parlait à une femme, quoi, en fait. Pour lui, il s'adressait à une femme. Non, mais si tu peux arrêter. Une minute, bon. On peut continuer, bien sûr, on peut hors champ. Hein. Oui, hors champ, hein. C'est fini. C'est off maintenant. Hein. Mmh.